Ajahn Chah. Expérience de méditation. Questions et réponses. À propos de ce que vous avez dit sur l'investigation des sankharas, une fois que l'esprit a atteint un niveau de calme approprié, nous avons souvent entendu cet enseignement, notamment les instructions pour méditer sur les 32 parties du corps. En employant des concepts et des images pour investiguer ainsi, peut-on arriver à une vision profonde authentique ? Au début, il faut utiliser les concepts. Il est vrai qu'on ne peut pas atteindre la vérité par la pensée et la perception. Aucune sorte de concept, négatif ou positif, ne mettra fin à la souffrance, mais c'est le seul moyen que nous ayons pour transmettre les enseignements. Nous parlons pour que les enfants comprennent, pour leur montrer qu'ils doivent faire ceci et cela. Mais quand vous arriverez au bout du chemin, il ne restera rien. Vous n'aurez envie de suivre aucune formation mentale. Si nous prenons nos concepts pour de la sagesse, nous nous laisserons toujours mener par eux. Ce ne sont que des sankharas, des phénomènes conditionnés. Et la connaissance n'est pas personnelle. Elle doit aussi être lâchée. La conscience est simplement conscience, pas un être, une personne, un individu ou un moi. Lâchez tout. Finissez-en avec tout cela. Quel niveau de calme doit-on développer ? Assez pour pouvoir contempler les choses, pour avoir une stabilité d'attention qui permette cette investigation. Cela signifie-t-il qu'il faut rester dans le présent, ne pas penser au passé ou au futur ? Vous pouvez penser au passé et au futur, mais ne vous laissez pas piéger en croyant que tout cela est réel. Il est dans la nature de l'esprit de penser à toutes sortes de choses, mais n'y croyez pas. Comprenez la nature des pensées, comprenez qu'elles ne sont que des pensées. L'important est de ne pas se laisser piéger par elles, de ne pas agir en fonction de ce qu'elles racontent. Si vous les suivez aveuglément, vous aurez toujours des soucis et des problèmes. Mieux vaut mettre fin à ce type d'engagement. Cessez de croire à la réalité des apparences. L'esprit n'est que l'esprit. Ce n'est pas un être, un individu, une personne ou un moi. Comprendre cela, c'est avoir conscience de la véritable nature de l'esprit. Vous voyez qu'il ne vous appartient pas. Le plaisir est simplement plaisir. La souffrance est simplement souffrance. Lorsque vous voyez les choses ainsi, tous les doutes s'évanouissent. Ce que l'on appelle « investigation de l'esprit » ou « contemplation » fait usage de la faculté de penser pour pouvoir observer, mais on finit par découvrir quelque chose qui est au-delà de la pensée, parce que la méditation nous apprend à ne pas nous attacher à ses perceptions, à ne pas y croire. Les pensées et les ressentis sont simplement des pensées et des ressentis. Ce dont nous parlons n'apparaît pas et ne cesse pas. Il demeure tel qu'il est. On pourrait dire simplement qu'il ne naît pas et ne meurt pas. Prenons cet esprit. Nous l'appelons esprit pour en avoir une idée, pour connaître son fonctionnement. Mais si nous parlons du véritable esprit, eh bien, qu'y a-t-il au-delà ? D'où vient l'esprit ? Quand nous l'observons, nous voyons seulement des phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Mais ce qui apparaît et disparaît, ce n'est pas l'esprit lui-même. Ce sont des sortes de ressentis faits d'impressions mentales et d'activités conceptuelles. La vérité ultime n'est pas quelque chose qui naît puis disparaît comme cela. mais ces choses qui apparaissent et disparaissent sont appelées esprits de manière conventionnelle pour faciliter la communication. Dans la réalité conventionnelle, nous croyons que notre activité mentale est bien ce qu'elle semble être et nous l'appelons notre esprit. Mais d'où vient cet esprit ? Pendant de longues années, nous nous sommes habitués à croire à la réalité de cet esprit. De sorte que nous ne sommes pas très contents d'entendre cela, n'est-ce pas ? Dans un premier temps, nous devons voir que la nature de l'esprit est d'être impermanent, insatisfaisant et impersonnel. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il n'y a absolument rien là. C'est vide. Nous voyons des apparitions et des disparitions, mais en réalité, il n'y a rien qui apparaît et qui disparaît. Nous voyons ces phénomènes en nous basant sur la perception et la conceptualisation. Ensuite, nous prenons cette perception pour de la sagesse. Nous nous saisissons de l'activité mentale comme si elle était la sagesse. Mais ce n'est pas une authentique sagesse. Quand c'est la vraie sagesse, tout prend fin. On ne se saisit plus de rien. On reste conscient des perceptions et des ressentis, mais on n'agit pas en fonction d'eux. On comprend que les suivre n'est pas la voie juste. Comment devrions-nous pratiquer pour atteindre ce point, le véritable esprit ? Il faut commencer par prendre conscience de l'esprit apparent et voir clairement qu'il est incertain et impermanent. Comprenant cela, il n'y aura rien dont vous voudrez vous saisir et vous lâcherez prise. Avec la connaissance vient le lâcher prise et il n'y a plus de raison de conceptualiser. Dès lors, tous les doutes s'effacent. Le nom que nous donnons aux choses n'est qu'une convention, une désignation nécessaire seulement dans le monde des apparences, pour permettre d'identifier les objets. La nature, quant à elle, existe simplement. Par exemple, dans ce bâtiment, il y a les fondations et les étages au-dessus. La base à partir de laquelle les choses existent n'est pas née et ne meurt pas. Les choses qui sont nées et qui meurent courent sur les étages supérieurs. Parfois, nous employons le mot « esprit » ou « perception » ou « conceptualisation », peu importe. Pour dire les choses de manière simple et directe, il n'y a ni forme, ni ressenti, ni perception, ni pensée. Tout cela n'existe qu'en termes de désignation. Les agrégats apparaissent et disparaissent. Ils n'existent pas vraiment. Connaissez-vous l'histoire de Sariputta s'adressant à son disciple Punamantani ? J'ai lu cette histoire quand j'étais novice et elle ne m'a jamais quitté depuis. Punamantani se préparait à partir en Tudong, qui est une pratique ascétique d'errance dans la forêt et de méditation. Donc il s'apprêtait à partir et Sariputta, son maître, lui posa la question suivante. « Si, pendant tes pérégrinations, quelqu'un te demandait « Que se passera-t-il au moment de la mort du Bouddha ?» Que répondrais-tu ? » Le moine répondit « Si on me pose cette question, je répondrai que la forme, les ressentis, les perceptions, les conceptualisations et la conscience sensorielle apparaissent, puis cessent d'exister. » C'était la réponse juste. Sariputta voulait tester son disciple avant de le laisser partir pratiquer seul en ascète. Et celui-ci avait la vision juste. Les agrégats viennent à l'existence, puis disparaissent. Point final. Quand vous aurez compris cela, vous devrez méditer encore plus en profondeur et développer la sagesse nécessaire pour le voir très clairement. Vous verrez davantage que des apparitions et des disparitions. vous en viendrez à reconnaître votre véritable esprit. Vous continuerez à voir les phénomènes apparaître et disparaître, mais vous ne serez pas attiré par le bonheur et, de ce fait, la souffrance ne pourra pas vous suivre. Attachement et saisie n'existeront plus. D'après ce que vous venez de dire, il semble qu'il y ait quelque chose d'autre que les cinq agrégats. Peut-on appeler cela l'esprit originel ou bien... On ne lui donne pas de nom. Tout cela est terminé. Certains voudront peut-être l'appeler esprit originel ou autre chose, mais à ce stade, toutes les désignations ont disparu. Les choses originelles sont épuisées. Donc on ne l'appelle pas l'esprit originel. En tant que convention, on pourrait le désigner ainsi. Si nous n'utilisons pas de convention du tout, il n'y a plus rien à dire, ni originel, ni ancien, ni neuf, ni rien du tout. Tout ce dont nous parlons, toutes ces désignations comme vieux ou neuf, sont simplement des conventions. Sans convention, il est impossible d'atteindre la moindre compréhension, mais nous devons en connaître les limites. Quel degré de samadhi faut-il pour atteindre ce type de compréhension ? Assez pour maîtriser l'esprit. Sans samadhi, que pouvez-vous faire ? Sans un esprit bien concentré, vous n'atteindrez pas cette maîtrise. Il faut que l'esprit soit assez calme pour pouvoir observer, pour que la sagesse apparaisse. Je ne sais pas comment mesurer cela. Quel degré de tranquillité l'esprit doit-il avoir pour y arriver ? Disons, le degré où vous n'avez plus aucun doute. C'est suffisant. Si vous posez la question, voilà ce que je peux vous répondre. Ce qui sait et l'esprit originel sont-ils une seule et même chose ? Non, non. Ce qui sait est quelque chose qui est soumis à l'impermanence. C'est notre présence consciente. Chacun l'a en soi. Alors chacun n'a pas l'esprit originel en soi ? L'esprit originel est en toute personne et chacun a ce qui sait en soi. Mais ce qui sait ne peut pas nous conduire au bout du chemin. L'esprit originel existe en chacun de nous, mais tout le monde ne peut pas le voir. Ce qui sait est-il le moi ? Non. C'est juste une conscience qui fait surface. Poser toutes ces questions ne fait que créer plus de confusion. Vous n'arriverez pas à une connaissance claire simplement en entendant les paroles de quelqu'un d'autre. Vous croyez peut-être qu'en posant les bonnes questions, surtout les plus petits détails, vous trouverez la vérité. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. C'est quelque chose que vous devez réaliser par vous-même. Mais prenez les mots, étudiez-les et voyez vers quoi ils pointent. Vous nous parlez souvent de la méditation sur les 32 parties du corps, une fois l'esprit calmé. Devrions-nous étudier les 32 parties selon la formule ? Ce n'est pas cela. Quand l'esprit est dans un état de tranquillité, l'investigation se fait d'elle-même. C'est l'investigation au sein même de Samadhi. Il ne s'agit pas de penser « ceci est ainsi, cela est ainsi ». Ce serait une activité mentale ordinaire, une investigation hors de Samadhi. Tandis que lorsque l'esprit est concentré, il n'y a pas de pensée. La contemplation apparaît à l'intérieur même du calme. L'esprit discursif qui pense pendant les activités ordinaires et essaie de définir les choses est grossier. Il est grossier, mais tout de même compatible avec Samadhi. L'important est d'être attentif et présent dans toutes les situations, d'avoir une attention qui soit consciente de la réalité des choses. Pourquoi le Bouddha n'avait-il ni aversion ni vision erronée ? parce qu'il avait cette forme d'attention totale. Dès lors, rien ne peut causer de colère, rien ne peut fausser le regard, parce que cette présence attentive supervise toutes nos expériences. Il n'y a rien à faire. On atteint le bout du fer. Avec l'esprit pleinement conscient, vous pouvez mettre tout cela de côté. Vous n'avez pas besoin de poser votre attention sur quoi que ce soit parce que l'esprit le fait de lui-même. Cela se produit naturellement. À ce stade, vous n'avez pas besoin de pratiquer Samadhi parce qu'il est déjà présent. Les choses peuvent encore vous apparaître comme justes ou fausses. Il peut encore y avoir des ressentis agréables et désagréables, mais vous ne faites que les laisser passer. Quels qu'ils soient, vous les laissez passer en sachant parfaitement qu'ils sont impermanents. Vous arrivez à connaître la source de toute chose et à atteindre ce que l'on appelle l'esprit originel où rien n'est permanent, rien n'est quoi que ce soit. C'est la vérité. Quand quelque chose est coincé dans le courant de la rivière, vous le dégagez et vous le laissez filer. Qu'est-ce qui peut arriver ainsi jusqu'à vous? Vous n'en savez rien, mais quoi qu'il en soit, si la chose est restée coincée, vous la libérez et vous la laissez continuer à couler. Il s'agit de tous les objets d'essence et de l'activité mentale. Quand ces phénomènes apparaissent, balayez-les systématiquement et quand rien ne se présente, restez dans l'équanimité. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Il en va de même pour la vertu, la méditation et la sagesse. Dans le bouddhisme, on les présente généralement de manière progressive. Au début, on enseigne la moralité, ensuite la pratique méditative et on termine avec la sagesse. C'est un ordre facile à retenir. Mais avec certaines personnes, il n'est pas nécessaire de commencer par enseigner la vertu. Les Occidentaux, par exemple. Ils viennent méditer et ils s'attachent aussitôt à pacifier l'esprit. Inutile de leur dire quoi que ce soit pour l'instant quant à l'ordre habituel de procéder. On les laisse commencer par la méditation qui va calmer leur mental et ensuite, une certaine sensibilité va se développer. C'est comme s'il y avait un serpent venimeux dans un panier au couvercle fermé. Les gens marcheront tout près, mais ils n'auront pas peur parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un serpent dans le panier. Ils n'ont pas conscience du danger. Quand on essaie d'enseigner la moralité, c'est pareil. Il faut être conscient des habitudes et des dispositions des personnes en fonction de leurs origines. À un occidental, par exemple, on peut commencer par enseigner la pratique de Samadhi. Ensuite, quand son esprit s'apaise, des changements se produisent et il voit les choses différemment. Au début, même s'il y a une créature venimeuse dans les parages, il ne s'en préoccupe pas parce qu'il n'a pas conscience de sa présence. Shilla est ainsi. Il n'est pas nécessaire de passer les préceptes en revue un par un. La moralité, ce n'est pas réciter « Je m'efforcerai de ne pas prendre la vie, je m'efforcerai de ne pas voler, etc. » Ce serait trop long et on n'arriverait pas à l'essentiel. C'est comme un bâton. Il a un bout, un milieu et une extrémité. Si vous le ramassez par un bout, l'autre vient avec. On peut ainsi avoir une extrémité en soulevant l'autre et vice-versa. On peut insister en disant à quelqu'un « Voici le début et voici la fin. » Mais si la personne est attirée par la pratique de Samadhi, qu'elle développe la tranquillité de l'esprit. Ensuite, sa sensibilité va s'affiner et elle verra les choses sous un jour nouveau. En commençant par la fin, elle arrivera au début parce que le début et la fin font partie d'un même tout. les changements qui se produiront dans l'esprit grâce au samadhi lui permettront de voir plus clairement. La sagesse commencera à imprégner l'esprit et elle sentira de plus en plus nettement ce qui, sur le plan éthique, est juste et ce qui ne l'est pas. Ces trois aspects du sentier, à savoir Shila, Samadhi et Panya, se développent en spirale. Où que vous commenciez la pratique, c'est bien. La manière traditionnelle est de parler de moralité, de méditation et de sagesse dans cet ordre. C'est utile. Il ne s'agit pas de l'écarter, mais il ne faut pas s'y attacher comme si c'était la seule façon de faire. Tout ce qui clarifie l'esprit pour qu'il devienne conscient du serpent venimeux est utile. Ensuite, dès que la conscience est éveillée, vous êtes attentif et sur vos gardes. Par un bout ou par l'autre, vous arriverez à ce même résultat. Un enseignant doit utiliser les moyens habiles adaptés à ses élèves. Lorsqu'un enfant de la ville va à la campagne pour la première fois, il découvre toutes sortes de choses qu'il n'a jamais vues auparavant et qu'il ne connaît pas. Il voit un canard et il demande « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Il voit un buffle et il s'écrie « Maman, regarde ce gros animal !» Et il continue ainsi jusqu'à ce que ses parents soient fatigués de lui répondre. Ils ont beau expliquer, l'enfant continue à poser des questions parce que tout est nouveau pour lui, et il est fasciné. Finalement, il grogne de vagues réponses, mais cela ne décourage pas l'enfant. Et il continue « Qu'est-ce que c'est ? Comment s'appelle cet animal ? Je me le demande. » Sa curiosité et ses questions sont sans fin, mais quand il grandira, il connaîtra toutes ces choses-là. Elles ne seront plus un mystère pour lui. C'est ce qui se passe en méditation. J'étais comme cela moi aussi, mais quand la véritable compréhension est venue, les questions ont cessé. Quand la pratique gagne en maturité et que l'esprit est orienté vers l'investigation, on est en mesure de répondre soi-même à toutes les questions. Vous devez donc vous examiner constamment. Chacun de vous doit s'observer de près pour voir à quel point vous êtes honnête avec vous-même et savoir quand vous vous mentez. La pensée n'est qu'une affaire de conceptualisation et de fabrication mentale. Si nous ne sommes pas pleinement conscients, nous avons tendance à croire que c'est la sagesse qui parle. Alors, nous suivons nos idées et cela se termine dans l'insatisfaction et la souffrance. S'il s'agissait vraiment de sagesse, cela finirait-il ainsi? Et pourtant, cette même pensée peut nous mener à la sagesse. Elle peut nous donner l'occasion de voir les choses clairement et de connaître leur véritable nature. N'allez pas croire que pensée et sagesse sont à des pôles opposés. Partout où il y a conceptualisation, la sagesse est présente. Partout où il y a le créé, le non-créé est également présent. Le non-créé, c'est la libération de la conceptualisation. Le créé, c'est la conceptualisation. Cela est enseigné de plusieurs manières différentes selon les maîtres. Le zen, par exemple, a sa propre façon de transmettre la sagesse. On vous pose une question et, quand vous répondez, on vous frappe. Vlan ! On vous repose la question et, cette fois, vous ne répondez pas, mais on vous frappe à nouveau. Alors vous vous dites, que se passe-t-il? Je vais y perdre la vie si ça continue. Comment devrais-je répondre? Que faire? Ces méthodes peuvent engendrer la sagesse. Que faire? Avancer n'est pas juste. Reculer n'est pas juste. Rester sur place et ne donner aucune réponse n'est pas juste non plus. Quoi que vous fassiez, vous vous faites frapper. Quelque chose naît en vous qui vous fait chercher la réponse plus en profondeur. Voilà ce que j'ai lu sur la méthode Zen. C'est curieux, n'est-ce pas? Et il y a vraiment des gens qui trouvent la sagesse ainsi. Que vous répondiez ou pas, on vous frappe. Vous lâchez toute idée de ce qui est juste et ce qui est faux. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas rester immobile. Que faites-vous? Vous arrivez au bout de vos ressources et pourtant, il y a encore quelque chose à traverser. Alors, l'esprit continue son investigation pour trouver une issue. Je trouve que ces méthodes sont très bonnes. C'est mystérieux. Chez nous, les gens se contentent généralement de penser beaucoup et d'essayer de deviner la nature des choses. Vous savez certaines choses, mais ce que vous savez, c'est seulement ce que quelqu'un d'autre a dit, de sorte qu'il y aura toujours de nouvelles questions à poser, de nouvelles choses à apprendre, et toujours plus de doutes. Plus on vous explique les choses, plus vous vous éloignez d'une réelle compréhension. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous retient ? C'est précisément cette façon d'aborder la connaissance qui vous bloque. Vous devez donc vraiment chercher les réponses en vous. Quand vous prendrez l'habitude de vous observer constamment, votre compréhension deviendra plus subtile. Cette conscience fine des choses vous paraîtra excellente, mais le maître zen ne l'accepterait pas et vous dirait « Débarrassez-vous de ce qui est fin et subtil. Je n'en ai rien à faire. » Et vous vous feriez encore frapper. Quand le subtil demeure, vous devez l'évacuer. Vous ne savez pas quoi faire, où vous poser, ni vers quoi vous tourner. Il ne vous reste plus aucune option. À ce stade, mieux vaut vous débarrasser de tout. L'enseignement dit que toutes nos pensées et tous nos ressentis ne sont que le monde fantaisiste des fabrications mentales. Ce n'est pas une connaissance authentique. Ce sont des créations imaginaires, mais nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une vraie connaissance. C'est une connaissance sans lâcher prise. Quand la connaissance est authentique, on lâche. Samadhi présente des difficultés. Les gens peuvent dévier et disent « Quand je m'assois, j'ai toutes sortes d'expériences. Je vois des lumières, je vois des couleurs. » Et ils se laissent prendre par tout cela. Quand ils me parlent de leur méditation, je ne sais pas trop quoi répondre. Tout cela est puéril. C'est comme l'enfant fasciné par les animaux et qui ne cesse de poser des questions. C'est normal pour un enfant, parce qu'il découvre tout. Quand il grandira, il saura, et il n'aura plus besoin de poser des questions. Quand une joie débordante apparaît en méditation, l'esprit est heureux de manière indescriptible. Seul celui qui l'a vécu saura de quoi il s'agit. Le bonheur apparaît, la joie, l'attention focalisée, la pensée discursive et l'investigation. Ces cinq choses se rejoignent en un seul point. Il y a cinq caractéristiques différentes, mais elles sont unifiées et ressenties ensemble. C'est comme plusieurs fruits différents dans un panier. Ils sont différents, mais nous les voyons tous réunis en un même endroit. Les facteurs de jhana, les absorptions méditatives, se rejoignent et sont ressentis dans l'esprit. Il est impossible de les décrire. À quoi ressemble la joie? Comment la félicité se produit-elle? Qu'est-ce que la pensée discursive? mais s'ils sont développés et ressentis, ils remplissent l'esprit et vous le savez. À ce stade, la pratique change. Votre méditation devient différente, voire étrange. Il est nécessaire d'être très attentif et d'avoir une claire compréhension. Ne créez pas de confusion par rapport à ce qui se produit. Ce n'est qu'une expérience mentale, un instant mental. C'est la nature de l'esprit qui manifeste son potentiel. N'ayez pas de doute concernant les phénomènes qui apparaissent dans la pratique. Si vous avez l'impression de vous élever dans les airs, de vous enfoncer dans le sol ou même de mourir, peu importe. Contentez-vous de regarder directement quel est votre état d'esprit à ce moment-là et restez avec cette conscience. C'est tout. Le fondement de votre pratique sera là. Avec l'attention et la claire compréhension, en ayant conscience de vous-même dans les quatre postures, à savoir assis, debout, en marche et allongé, vous ne vous saisissez de rien de ce qui se présente dans le champ de votre expérience. Quand vous êtes constamment conscient de tout ce qui se passe, qu'il y ait attirance ou aversion, bonheur ou déplaisir, doute ou certitude, l'investigation et la connaissance sont présentes. Vous avez l'essence de la pratique et vous en goûtez le fruit. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Voyez que tout ce qui vous vient à l'esprit n'est que cela, un simple instant de ressenti et de conscience, quelque chose d'impermanent qui apparaît puis disparaît. Rien de plus. Il n'y a pas de moi, pas de quelqu'un d'autre, pas d'essence personnelle, rien qui doive être saisi. Quand le corps et l'esprit sont vus ainsi, avec sagesse, nous sommes conscients de toutes les vieilles habitudes, de tous les vieux schémas de fonctionnement. En voyant l'impermanence de l'esprit et du corps, en voyant l'impermanence de tous les ressentis de bonheur et de souffrance, d'attirance et d'aversion, nous réalisons qu'ils ne sont pas plus importants que cela, qu'ils ne sont que cela, et l'esprit s'en détourne avec lassitude. Il est fatigué de toutes ces choses qui apparaissent et disparaissent, et qui n'ont rien de fiable. Où que nous soyons, nous en avons conscience. Dès lors, nous ne souhaitons plus qu'une seule chose, trouver une issue. Nous ne voulons plus vivre comme avant parce que nous voyons les imperfections et les dangers de la façon de vivre dans le monde. Nous voyons tout le fardeau de cette vie dans laquelle nous sommes nés. Avec ce nouveau regard, où que nous allions, nous voyons l'évidence de la nature impermanente, insatisfaisante et impersonnelle des phénomènes. Et il n'y a rien que nous ayons envie de posséder ou de saisir. Assis sous un arbre, nous entendons l'enseignement du Bouddha. Assis au sommet d'une montagne, nous entendons l'enseignement du Bouddha. Assis dans une plaine, nous entendons l'enseignement du Bouddha. Nous voyons ce monde beaucoup plus clairement. Nous voyons le corps et l'esprit plus clairement. Les mondes de la forme et du sans-forme seront vus plus clairement. Ils deviennent plus nets à la lumière de l'impermanence, à la lumière de la nature insatisfaisante des choses, à la lumière de l'absence de moi. Chaque fois que nous, les humains, nous nous attachons aux choses comme si elles étaient permanentes et réelles, la souffrance arrive immédiatement. Par contre, quand nous prenons pleinement conscience de la véritable nature du corps et de l'esprit, la souffrance n'apparaît pas. Sans l'attachement, il est impossible que la souffrance s'empare de nous. Dans toutes les situations, la sagesse est présente. En contemplant un arbre, la sagesse est là. En voyant des plantations dans un champ, en observant des insectes, la sagesse apparaît. Tout s'arrête au même point pour devenir Dhamma, le point où rien n'est sûr. La vérité est là. Ce sont des choses qui ne sont pas permanentes. En quoi serait-elle permanente? La seule permanence ou certitude, c'est qu'étant apparue, elle change. Elles ne sont donc pas fiables. Elles ne peuvent se transformer en quelque chose qui ne subira pas de transformation et ne cessera pas d'exister. Voilà, tout est là. Si vous prenez pleinement conscience de cela, vous serez arrivé au bout du chemin. Selon l'enseignement bouddhiste, si vous pensez « je suis meilleur que les autres », vous êtes dans l'erreur. Si vous dites « je suis pire que les autres », ce n'est toujours pas juste. Et si vous croyez que vous êtes égal aux autres, ce n'est pas correct non plus. Tout simplement parce qu'il n'y a rien qui soit un « je ». Si vous déracinez la vision erronée qui dit « je suis », vous devenez celui qui connaît le monde, celui qui connaît clairement la véritable nature des choses. Si vous avez cette vision de la vérité, l'esprit est vrai. Il a une connaissance complète de la réalité. Les causes sont supprimées et, sans cause, rien ne naît. C'est donc ainsi que doit procéder la pratique. Les fondations que l'on doit poser quand on débute sont d'abord l'honnêteté, être quelqu'un de droit. Ensuite, craindre de faire le mal et avoir une saine honte de ses mauvaises actions. Enfin, avoir un esprit humble, sans exigence et aisément contenté. Ceux qui n'ont pas d'exigence, qui sont modérés dans leurs paroles et leurs actes, se connaîtront eux-mêmes et seront présents et attentifs. Ces éléments sont les fondations. Quand ils seront aboutis, il n'y aura plus dans l'esprit que vertu, stabilité méditative et sagesse. L'esprit en sera rempli et il n'y aura de place pour rien d'autre. Un tel esprit vivra entièrement dans la vertu, la méditation et la sagesse. Par conséquent, nous, pratiquants du Dhamma, ne devons pas être inattentifs. Cette recommandation est rarement prononcée et pourtant elle s'applique à tout. Même quand tout va bien, quand vous semblez avoir raison, ne soyez pas inattentifs. Ne soyez pas inattentifs face à ce qui est mal comme à ce qui est juste, face au bonheur comme au malheur. Le Bouddha nous a recommandé de n'être inattentif en rien. Pourquoi? Parce que tout est incertain. Ayez cette même attitude vis-à-vis de votre esprit. S'il s'apaise, ne vous saisissez pas de cet état. Laissez-le être. Il serait naturel de vous en réjouir, mais contentez-vous d'être conscient de ce qui se passe. Que vous ayez des états d'esprit agréables ou pénibles, soyez-en simplement conscient. Un maître peut expliquer les méthodes qui permettent d'entraîner l'esprit, mais vous seul pouvez les mettre en œuvre. Vous pouvez avoir toute cette connaissance dans votre propre esprit, qui d'autre peut connaître à votre place. Si vous vous appuyez sur ce qui est juste, vous pouvez atteindre le point de lâcher prise, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Mais cela signifie vraiment pratiquer. Des efforts qui ne sont pas authentiques et sincères ne vous aideront pas. Une pratique authentique n'a rien de fatigant parce qu'elle se fait par l'esprit. Si vous avez une claire conscience de vous-même, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et vous savez comment pratiquer. Vous n'avez pas vraiment besoin de grand-chose. En ce qui concerne vos amis dans le Dhamma, il faut considérer deux choses. Ce que l'on appelle l'exemple et l'essence. Il s'agit de ne pas se conformer à l'exemple, mais plutôt de comprendre l'essence. La vie d'Ajahn Tongrat, un maître de méditation du début du XXe siècle, illustre parfaitement cela. Les gens qui n'étaient pas très intelligents ne comprenaient pas son Dhamma parce qu'ils ne voyaient que l'exemple. Il semblait n'avoir aucune retenue dans son langage. D'une part, il demandait tout le temps des choses aux laïcs, et d'autre part, quand il grondait quelqu'un de l'assemblée, il n'y allait pas de main morte. Voilà l'exemple qu'il montrait, mais, dans son essence, il n'y avait rien, vraiment rien. Ces choses-là n'étaient que des mots et ses paroles étaient toutes du Dhamma. En vérité, absolument tout ce qu'il disait était destiné à enseigner le Dhamma, mais les gens n'en avaient pas la moindre idée. Son intention était de transmettre le Dhamma, pas de faire du mal. D'ailleurs, personne n'a souffert d'aucun mal et d'aucune perte de son fait. Mais dans ses allées et venues, dans ses paroles et ses actions, il semblait n'avoir aucune retenue. Cela, c'était son exemple. Certains moines ont essayé de le copier, mais le résultat a été catastrophique. Quand Ajahn Tongrat et ses moines allaient quêter leur nourriture, il y avait une maison où les gens étaient assez pingres. Ils n'aimaient pas donner à manger aux moines, mais, comme presque tout le monde au village donnait au moins un peu de riz, il se sentait obligé d'inventer une excuse comme, par exemple, qu'il ne savait pas que les moines allaient venir. Alors, quand Ajahn Tongrat arrivait à hauteur de leur maison, il criait à tue-tête « Hé, le riz est-il prêt ?» Et il restait planté là, de sorte que les gens n'avaient pas d'autre choix que de sortir et de mettre un peu de riz dans le bol des moines. Voyant Ajahn Tongrat agir ainsi tous les jours, plus tard un vieux moine a commencé à faire la même chose. Quand il allait quêter sa nourriture, il criait devant chaque maison « Hé, le riz est-il prêt ?» Lorsqu'Ajahn Tongrat l'a su, il l'a prise à partie devant toute l'assemblée de moines et l'a vivement grondé pour avoir réclamé des offrandes de nourriture. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez », a répondu le vieil homme en toute innocence. Et Ajahn Tongrat lui répondit, « On m'a dit que lorsque tu vas quêter ta nourriture, tu cries « Hé, le riz est-il prêt ?» C'est tout à fait inapproprié pour un bhikkhu. » Bien sûr, le vieux moine pensait qu'il agissait correctement puisqu'il suivait l'exemple de son maître. Mais il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles Ajahn Tongrat se comportait ainsi, et il n'avait pas le même esprit de détachement. Le maître provoquait les gens pingres parce qu'il souhaitait les voir développer un cœur généreux, pas pour qu'ils remplissent son estomac. Les personnes qui viennent au Dhamma peuvent être classifiées en fonction du degré de difficulté ou de facilité qu'elles ont pour pratiquer et réaliser le Dhamma. L'accumulation antérieure de mérites et le développement des paramis, les perfections spirituelles qui préparent à l'éveil, ne peuvent pas être mises en compétition à la manière dont on compare la force ou les capacités physiques. Certains disent « J'ai de bonnes intentions, je veux pratiquer mais je n'y arrive pas. » Eh bien, il faut essayer d'y arriver. Faire l'effort nécessaire pour cela. Pour certains, la pratique est difficile. Il y a des obstacles et des complications dans tout ce qu'ils font, et la réalisation arrive à tout petit pas. Cela signifie qu'ils n'ont accumulé qu'une petite réserve de paramis dans le passé, de sorte que maintenant, dans le présent, ils doivent en créer beaucoup. ils ne peuvent pas se contenter d'abandonner et de partir. Si un individu pauvre se dit « Bon, je suis pauvre, c'est comme ça. Inutile que j'essaie de travailler ou de changer les choses. » Il va vraiment avoir des problèmes. Il doit plutôt se dire « Je suis pauvre, donc je dois travailler dur ou au moins travailler comme tout le monde. » Il en va de même pour nous. Si nous pratiquons beaucoup, si nous travaillons dur et avançons sur la voie avec énergie, nous pouvons toujours progresser. Il y a aussi ceux pour qui la pratique est difficile, mais la réalisation arrive vite. Leur pratique peut même mettre leur vie en danger. Ils devront se battre et se démener, mais ils ont la capacité d'atteindre rapidement la vérité. S'ils passent par beaucoup de souffrances, ce n'est pas grave. Elles disparaîtront vite. Pour le troisième type de personnes, la pratique est facile, mais la connaissance arrive avec difficulté. Ils n'ont pas besoin de lutter, pas beaucoup d'obstacles, et ils peuvent continuer à pratiquer régulièrement, mais cela prend beaucoup de temps. Peut-être ne verront-ils le bout du chemin qu'au moment de la mort. Avec le quatrième groupe, la pratique est facile et agréable. Leur voix est joyeuse et la réalisation arrive facilement. Il y a aussi des gens comme cela. Dans tous les cas, que les résultats arrivent vite ou lentement, que nous ayons beaucoup ou peu d'aptitudes, il est toujours profitable de faire des efforts pour pratiquer la vertu. Tout ce que nous pourrons faire dans ce sens ne sera pas perdu. La vertu accomplie défera la non-vertu. Ce qui est juste effacera ce qui ne l'est pas. Le fruit n'est peut-être pas visible aujourd'hui, mais il le sera plus tard. C'est le karma. Lorsqu'un karma donne ses fruits, le karma opposé ne peut pas s'accomplir. Aujourd'hui, nous recevons les fruits de nos actions passées, pas encore le résultat de nos actes présents, mais rien ne se perd. Dès qu'un karma est accompli, un autre suit. Pratiquons donc maintenant, et les bénéfices se manifesteront au moment voulu.